Ces répétitions avaient lieu dans une petite chambre qui donnait sur la rue. Il advint que le père Piquedan, au lieu de me parler latin, comme il faisait à l'étude, me raconta ses chagrins en français. Sans parents, sans amis, le pauvre bonhomme me prit en affection et versa dans mon cœur sa misère. Jamais depuis 10 ou 15 ans, il n'avait causé seul à seul avec quelqu'un. Je suis comme un chêne dans un désert, disait-il. Sicut quercus in solitudine. Les autres pions le dégoûtaient. Il ne connaissait personne en ville, puisqu'il n'avait aucune liberté pour se faire des relations. Pas même les nuits, mon ami. Et c'est le plus dur pour moi. Tout mon rêve serait d'avoir une chambre avec mes meubles, mes livres, de petites choses qui m'appartiendraient et auxquelles les autres ne pourraient pas toucher. Et je n'ai rien à moi, rien que ma culotte et ma redingote, rien. Pas même mon matelas et mon oreiller. Je n'ai pas quatre murs pour m'enfermer, excepté quand je viens pour donner une leçon dans cette chambre. Comprenez-vous ça, vous, un homme qui passe toute sa vie sans avoir jamais le droit, sans trouver jamais le temps de s'enfermer tout seul, n'importe où, pour penser, pour réfléchir, pour travailler, pour rêver. Ah, mon cher, une clé, la clé d'une porte qu'on peut fermer. Voilà le bonheur, le voilà, le seul bonheur. Ici, pendant le jour, l'étude avec tous ces galopins qui remuent. Et pendant la nuit, le dortoir avec ces mêmes galopins qui ronflent. Et je dors dans un lit public au bout des deux fils de ces lits de polissons que je dois surveiller. Je ne peux jamais être seul. Jamais. Si je sors, je trouve la rue pleine de monde. Et quand je suis fatigué de marcher, j'entre dans un café plein de fumeurs et de joueurs de billard. Je vous dis que c'est un bagne. Je lui demandai, pourquoi n'avez-vous pas fait autre chose, monsieur Piquedan? Il s'écriait, et quoi, mon petit ami, quoi? Je ne suis ni bottier, ni menuisier, ni chapelier, ni boulanger, ni coiffeur. Je ne sais que le latin, moi. Et je n'ai pas de diplôme qui me permette de le vendre cher. Si j'étais docteur, je vendrais 100 francs ce que je vends 100 sous. Et je le fournirais sans doute de moins bonne qualité, car mon titre suffirait à soutenir ma réputation. Parfois, il me disait, je n'ai de repos dans la vie que les heures passées avec vous. Ne craignez rien. Vous n'y perdrez pas. À l'étude, je me rattraperai en vous faisant parler deux fois plus que les autres. Un jour, je m'enhardis et je lui offris une cigarette. Il me contempla d'abord avec stupeur, puis il regarda la porte Si on entrait, mon cher. Eh bien, fumons la fenêtre, lui dis-je. Et nous allâmes nous accouder à la fenêtre sur la rue, en cachant au fond de nos mains arrondies en coquille les minces rouleaux de tabac. En face de nous était une boutique de repasseuses. Quatre femmes en caraco blanc promenaient sur le linge, étalées devant elles, le fer lourd et chaud qui dégageait une buée. Tout à coup, une autre, une cinquième, portant au bras un large panier qui lui faisait plier la taille, sortit pour aller rendre aux clients leurs chemises, leurs mouchoirs et leurs draps. Elle s'arrêta sur la porte comme si elle eût été fatiguée déjà. Puis, elle leva les yeux, sourit en nous voyant fumer, nous jeta, de sa main restée libre, un baiser narquois d'ouvrière insouciante. Et elle s'en alla d'un pas lent, en traînant ses chaussures. C'était une fille de 20 ans, petite, un peu maigre, pâle, assez jolie, l'air gamin, les yeux rieurs sous des cheveux blonds mal peignés. Le père Piquedent, ému, murmura: Quel métier pour une femme! Un vrai métier de cheval! Et il s'attendrit sur la misère du peuple. Il avait un cœur exalté de démocrate sentimental, et il parlait des fatigues ouvrières avec des phrases de Jean-Jacques Rousseau et des larmoiements dans la gorge. Le lendemain, comme nous étions accoudés à la même fenêtre, la même ouvrière nous aperçut et nous cria: Bonjour, les écoliers! Une petite voix drôle en nous faisant la nique avec ses mains. Je lui jetai une cigarette qu'elle se mit aussitôt à fumer. Et les quatre autres repasseuses se précipitèrent sur la porte, les mains tendues, afin d'en avoir aussi. Et chaque jour, un commerce d'amitié s'établit entre les travailleuses du trottoir et les fainéants de la pension. Le père Piquedent était vraiment comique à voir. Il tremblait d'être aperçu, car il aurait pu perdre sa place. Et il faisait des gestes timides et farces, une mimique d'amoureux sur la scène, à laquelle les femmes répondaient par une mitraille de baisers. Une idée perfide me germait dans la tête. Un jour, en entrant dans notre chambre, je dis tout bas au vieux pion: Vous ne croiriez pas, monsieur Piquedent, j'ai rencontré la petite blanchisseuse. Vous savez bien, celle au panier. Et je lui ai parlé. Il demanda, un peu troublé par le ton que j'avais pris: Que vous a-t-elle dit? Elle m'a dit: Mon Dieu, elle m'a dit qu'elle vous trouvait très bien. Au fond, je crois qu'elle est un peu amoureuse de vous. Je le vis pâlir Il reprit. Elle se moque de moi, sans doute. Ces choses-là n'arrivent pas à mon âge. Je dis gravement. Pourquoi donc? Vous êtes très bien. Comme je le sentais touché par ma ruse, je n'insistais pas. Mais chaque jour, je prétendis avoir rencontré la petite et lui avoir parlé de lui. Si bien qu'il finit par me croire et par envoyer à l'ouvrière des baisers ardents et convaincus. Oh, il arriva qu'un matin, en me rendant à la pension, je la rencontrai vraiment. Je l'abordai sans hésiter, comme si je la connaissais depuis 10 ans. Bonjour, mademoiselle, vous allez bien? Fort bien, monsieur. Je vous remercie. Voulez-vous une cigarette? Oh, pas dans la rue. Vous la fumerez chez vous? Alors, je veux bien. Dites donc, mademoiselle, vous ne savez pas? Quoi donc, monsieur? Le vieux, mon vieux professeur. Le père Piquedent? Oui, le père Piquedent. Vous savez donc son nom? Parbleu. Bien. Eh bien, il est amoureux de vous. Elle se mit à rire comme une folle et s'écria. C'est blague. Mais non, ce n'est pas une blague. Il me parle de vous tout le temps des leçons. Je parie qu'il vous épousera à moi. Elles cessèrent de rire. L'idée du mariage rend grave toutes les filles. Puis elle répéta incrédule. C'est blague. Je vous jure que c'est vrai. Elle ramassa son panier posé devant ses pieds. Eh bien, nous verrons, Dit-elle. Et elle s'en alla. Aussitôt entrée à la pension, je pris à part le père Piquedent. Il faut lui écrire. Elle est folle de vous. Et il écrivit une longue lettre, doucement tendre, pleine de phrases et de périphrases, de métaphores et de comparaisons, de philosophie et de galanterie universitaire. Un vrai chef-d'œuvre de grâce burlesque que je me chargeais de remettre à la jeune personne. Elle l'a lu avec gravité, avec émotion. Puis elle murmura. Comme il écrit bien. On voit qu'il a reçu de l'éducation. Sont-ils vrais qu'il m'épouserait? Il me répondit intrépidement. Parbleu, il en perd la tête. Alors, il faut qu'il m'invite à dîner dimanche à l'île des fleurs. Je promis qu'elle serait invitée. Le père Piquedent fut très touché de tout ce que je lui racontais d'elle. J'ajoutais, elle vous aime, monsieur Piquedent. Et je la crois une honnête fille. Il ne faut pas la séduire et l'abandonner ensuite. Il répondit avec fermeté. Moi aussi, je suis un honnête homme, mon ami. Je n'avais, je l'avoue, aucun projet. Je faisais une farce d'écolier, rien de plus. J'avais deviné la naïveté du vieux pion, son innocence et sa faiblesse. Je m'amusais sans me demander comment cela tournerait. J'avais 18 ans et je passais pour un madré farceur au lycée depuis longtemps déjà. Donc, il fut convenu que le père Piquedent et moi partirions en fiacre jusqu'au lac de la Queue-de-Vache. Nous y trouverions Angèle et je les ferai monter dans mon bateau, car je canotais en ce temps-là. Je les conduirai ensuite à l'île des fleurs, où nous dînerions tous les trois. Je vais imposer ma présence pour bien jouir de mon trio. Et le vieux, acceptant ma combinaison, prouvait bien qu'il perdait la tête, en effet, en exposant ainsi sa place. Quand nous arrivâmes au bac, où mon canot était amarré depuis le matin, j'aperçus dans l'herbe, ou plutôt au-dessus des hautes herbes de la berge, une ombrelle rouge, énorme, pareille à un coquelicot monstrueux. Sous l'ombrelle, nous attendait la petite blanchisseuse endimanchée. Je fus surpris. Elle était vraiment gentille, bien que palotte, et gracieuse, bien que d'allure un peu faubourienne. Le père Piquedent lui tira son chapeau en s'inclinant. Elle lui tendit la main et ils se regardèrent sans dire un mot. Puis, ils montèrent dans mon bateau et je pris les rames. Ils étaient assis côte à côte sur le banc d'arrière. Le vieux parla le premier. Voilà un joli temps pour une promenade en barque. Elle murmura. Oh oui. Elle laissait traîner sa main dans le courant, effleurant l'eau de ses doigts, qui soulevait un mince filet transparent, pareil à une lame de verre. Cela faisait un bruit léger, un gentil clapot le long du canot. Quand on fut dans le restaurant, elle retrouva la parole, commanda le dîner. Une friture, un poulet et de la salade. Puis elle nous entraîna dans l'île qu'elle connaissait parfaitement. Alors, elle fut gaie, gamine et même assez moqueuse. Jusqu'au dessert, il ne fut pas question d'amour. J'avais offert du champagne et le père Piquedent était gris, un peu partie elle-même. Elle l'appelait Monsieur Piconnet. Il dit tout à coup, Mademoiselle, Monsieur Raoul vous a communiqué mes sentiments. Elle devint sérieuse comme un juge. Oui, monsieur. Y répondez-vous? On ne répond jamais à ces questions-là. Il soufflait d'émotion et reprit. Enfin, un jour viendra-t-il où je pourrai vous plaire? Elle sourit. Gros bête, vous êtes très gentil. Enfin, mademoiselle, pensez-vous que plus tard, nous pourrions... Elle hésita une seconde, puis d'une voix tremblante, C'est pour m'épouser que vous dites ça? Non, jamais autrement, vous savez. Oui, mademoiselle. Eh bien, ça va, monsieur Piconnet. C'est ainsi que ces deux étourneaux se promirent le mariage par la faute d'un galopin. Mais je ne croyais pas cela sérieux, ni eux non plus, peut-être. Une hésitation lui vint à elle. Vous savez, je n'ai rien, pas 4 sous. Il balbutia, car il était ivre comme Silène, Moi, j'ai 5 000 francs d'économie. Il s'écria triomphante. Alors, nous pourrions nous établir. Il devint inquiet. Vous établir quoi? Est-ce que c'est moi? Nous verrons. Avec 5 000 francs, on fait bien des choses. Vous ne voulez pas que j'aille habiter dans votre pension, n'est-ce pas? Il n'avait point prévu jusque-là, et il bégayait fort perplexe. Nous établir quoi? Ça n'est pas commode. Moi, je ne sais que le latin. Elle réfléchissait à son tour, passant en revue toutes les professions qu'elle avait ambitionnées. Vous ne pourriez pas être médecin? Non, moi, je n'ai pas de diplôme. Ni pharmacien? Pas davantage. Elle poussa un cri de joie. Il l'avait trouvé. Alors, nous achèterons une épicerie. Oh, quelle chance! Nous achèterons une épicerie. Voilà. Grosse, par exemple, car avec 5 000 francs, on ne va pas loin. Il eut une révolte. Non, je ne peux pas être épicier. Je suis trop connu. Je ne sais que le latin, quoi. Mais elle lui enfonçait dans la bouche un verre plein de champagne. Il but et se tut. Nous remontâmes dans le bateau. La nuit était noire, très noire. Je vis bien, cependant, qu'ils se tenaient par la taille et qu'ils s'embrassèrent plusieurs fois. Ce fut une catastrophe épouvantable. Notre escapade découverte fit chasser le père Piquedan. Et mon père, indigné, m'envoya finir ma philosophie dans la pension Ribaudet. Je passai mon bachot 6 semaines plus tard. Puis j'allai à Paris faire mon droit. Et je ne revins dans ma ville natale qu'après 2 ans. Au détour de la rue du Serpent, une boutique m'accrocha l'œil. On lisait Produits coloniaux Piquedan. Puis dessous, afin de renseigner les plus ignorants, Épicerie. Je m'écriai Quantum mutatus ad bilo. Il leva la tête, lâcha sa cliente et se précipita sur moi, les mains tendues. Oh, mon jeune ami, mon jeune ami, vous voici. Quelle chance, quelle chance! Une belle femme, très ronde, quitta brusquement le comptoir et se jeta sur mon cœur. J'eus de la peine à le reconnaître, tant elle avait engraissé. Je demandai, alors, ça va? Piquedan s'était remis à peser. Oh, très bien, très très bien, très bien. J'ai gagné 3 000 francs nets cette année. Et le latin, monsieur Piquedan? Oh mon Dieu, le latin, le latin, le latin. Voyez-vous, il ne nourrit pas son âme.